100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. On vous l'avait annoncé cette semaine lors de sa venue avec Sadek, monsieur Lapso Laps, et dans les studios Lapso. Yo Fred, ça va ou quoi, Fred? Bah écoute, ça va. On va saluer évidemment tous les gens de Nice aussi, hein, tous ceux qui ont été touchés durement par ce qui s'est passé il y a maintenant 24 heures du côté de Nice. Voilà. REP à toutes les victimes. On a une grosse pensée pour vous tous. Grosse pensée, gros soutien à tous les Niçois, Niçoises. Et le meilleur pour un petit peu se changer, si on peut se changer un petit peu la tête, c'est d'écouter du son. Ouais. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec toi pour ce premier début de nocturne. Lapso, ça y est, le projet dans les bacs depuis aujourd'hui? Ça y est, même depuis hier. C'est vrai. Depuis hier, il a fuité. Ouais, et puis bah, ça va, ça fait plaisir. Ça tourne grave. Je reçois des snaps à mort, des messages à mort sur tous les réseaux. Et ça tue. Il s'appelle Pac-Man, le projet. Yao. Pac-Man. Donc c'est quoi? C'est plutôt carte de visite, Lapso? C'est une tape? Ouais, c'est une tape. Et voilà, c'est une tape que j'ai traitée avec des sons actuels, avec des textes actuels. Donc ouais, pour moi, celle-là, c'est une petite carte de visite sympa avant l'album Fonctionnaire de la rue. Et parle-nous justement un petit peu de ton parcours, toi, Lapso, ce qui t'a amené à rapper et à aujourd'hui donc sortir ce projet. Bah moi je suis un kiffeur de musique, tu sais Fred, tu me connais, ça fait longtemps. Bon, j'ai été dans tous les coins moi, que ce soit dans la musique de LA, dans la musique de New York, dans la musique du Sud. Et là je suis resté bloqué un peu dans le Sud, mais sinon je connais tous les formats. Et bah, c'est ça qui m'a poussé à faire du son, c'est par amour de la musique depuis tout jeune. Donc j'ai commencé déjà tout jeune. Bon après il y a eu des problèmes de parcours, ça c'est comme tout le monde en a. Des petits problèmes de jeunesse. Voilà, des problèmes de vie. De vie, ouais, même d'ailleurs. Voilà. Mais ça va, on n'a pas lâché. Tu vois, c'est ça qui compte. Et en 2015, voilà, j'ai fait un premier projet qui s'appelle Ghost Tape, qui avait tourné déjà correctement. Et puis là, un an après, on se retrouve là pour Pac-Man. Ça, c'est cool. En attendant donc un album, c'est ce que tu disais, qui s'appellera Fonctionnaire de la rue. C'est un moment que tu l'as ce titre aussi. C'est ouais. Un moment. Bah en fait, c'est même ton surnom d'ailleurs. Fonctionnaire de la rue, c'est en dédicace à mon premier solo que j'ai fait dans ma vie. C'était en 1999 et celui-ci s'appelait Fonctionnaire de la rue. C'était dans des compiles, des tapes que je produisais déjà à l'époque. Et voilà, le nom, le blaze, il est resté. Eh ben on se plonge maintenant dans Pac-Man, c'est parti? Allez, c'est parti. Coup d'envoi de la nocturne et le morceau justement s'appelle Pac-Man. Yao. Mes frelots, mes freuls, merci à tous les freuls qui ont pété le CD. Merci à tous les frelots, même qui l'ont juste écouté, ça suffit. Merci à tous mes frelots, placard, respect à eux, dédicace à eux. Yao. J'affiche complet. J'ai les épinards à Popeye. Je suis rentré dans le game, je suis sorti par son torse comme un petit alien. De tape en tape, j'établis des records, je fais des putains de recettes, frel. J'ai pas le temps avec toi, je te la mets dans la gorge, je te crache à la gueule. On est plusieurs dans ma tête. La rue m'a aidé, elle m'aide encore, elle m'a pas rendu bête. Tommy gang, Parabellum. On charbonne, mon argent fait des gosses, mais qui l'en font des tonnes. Mon argent fait des gosses, mais qui l'en font des tonnes. La prison c'est dur, la sortie c'est du sur, de la cage passe au Carlton. Five stars, Fred, je suis la sixième. Pas de missionnaire à ma taille, là. Pas pour le Kraken, Pac-Man. J'affiche complet. J'ai les épinards à Popeye. Je suis rentré dans le game, je suis sorti par son torse comme un petit alien. Je fais dans la blanche, je fais dans la verte, je fais dans le renoir. Quand tu nous vois, tu fais dans ton froc, tu fais dans la ça. On vit pour mourir un jour. Toutes les belles choses ont une fin. Mon pain c'est mon pain, tu me l'enlèves la bouche, je te nique ta maman. Je fais dans la galette des terroir. Soit tu la veines. L'absent, l'absence, un morceau. Yeah, c'est plus la même. Je vais là où je veux dans ma ville. Je fais ce que je veux dans ma city. Frelon, je fais ce que je veux dans ma city. Frelon, je fais ce que je veux de ma vie. Il doit être mort de rire, celui qui me connaît. Perso, elle a dû se tailler les veines si elle a connu. Yeah, Pac-Man. Il est déjà dans les bacs, mes frelots, mes frelles. Pac-Man, yao. C'est dédié à toi, ça, Vince V. Comme tu sais, c'est ton son préféré, celui-là, frelo. Pac-Man, hein. MDLRC, boy. Yao. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Allez, serre-moi en une. Votre capine appelle, mes frelots, mes frelles. Yao. Je peux pas rapper ce que je ne fais pas, la vérité blesse. La gentillesse paye pas freul. Je pique mon cerveau à l'amnèse, me bute à la tise. Votre capine appelle. Ici en été ça neige, ma gaufre c'est une luge. Je me balade à l'œil. Lapson, GTR laps, je m'arrête au feu. Toutes les salopes me veulent. Déjà dans les bacs, mes frelots, mes frelles. Votre capine Apple, frel. Yao. Yao. Je peux pas rapper ce que je ne fais pas, la vérité blesse. La gentillesse paye pas frel. Je pique mon cerveau à la messe, me bute à la tise. Votre capine Apple. Ici en été ça neige, ma gaufre c'est une luge. Je me balade à l'œil. Lapson, GTR laps. J'arrête au feu, toutes les salopes me veulent. Yao, merci boy. A tous mes frelots, mes frelles, 19ème Paname. On est là. A toute la banlieue, 919293 9495. On est là, 7778. Yao. Je peux pas rapper ce que je ne fais pas, la vérité blesse. La gentillesse paye pas frel. Je pique mon cerveau à la messe, me bute à la tise. Votre capine appelle. Ici en été ça neige, ma gaufre c'est une luge. Je me balade à l'œil. Lapson, GTR laps, je m'arrête au feu. Toutes les salopes me veulent. Votre capine appelle. Votre C'est Lapso, Lapso, Laps avec Noé, le projet dans les bacs. Vous retrouverez aussi ce morceau qui a été balancé il y a quelques mois déjà, hein, celui-ci, Lapso. Ouais, ça y est, c'était le premier extrait de Pac-Man. C'est ça, ouais, le premier extrait. Vodka Pineapple, il y a un peu plus d'un mois, ouais. Alors, un petit mot quand même sur ce nom, sur ce petit objet qu'on aimait bien quand on était plus jeune, le Pac-Man. toi, t'as choisi ça pourquoi C'est souvenir d'enfance, c'est quoi Lapso? Déjà, c'est un être auquel on compare. Ah ouais, on le voit comme un Pac-Man. Comme un Pac-Man, dès qu'il voit des billes, il mange. Tout ce qu'il voit, c'est une belle image, ouais. Ouais, bah tu connais, dès qu'il voit les condés, il fait demi-tour. Bon, faut dire de pas te faire courser par les fantômes quand même. Hein. T'inquiète pas, il y a la gomme pack. Là, la super gomme pack, là. Voilà. Qui te permet d'être plus fort encore. On peut avoir ce dialogue, nous deux, tu connais Fred, parce qu'on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle de Pac-Man, c'est vrai que ça. C'est notre génération. C'est notre génération et ça nous a bien éclaté, quoi. De ouf. Bon, pour tous les geeks, allez faire un tour, allez voir Pac-Man, vous avez bien voulu. Il y a des nouvelles versions. Il y a des nouvelles versions en plus. Il y a des versions 3D, il y a des versions de ouf, là. Des versions, tu mets des lunettes, tu sais même plus où t'es, quoi. Je te jure. Bon, et puis en attendant, donc Pac-Man, c'est aussi un projet, c'est le tien. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. On peut le télécharger aussi, par exemple, ce soir, si on écoute un morceau, on peut y aller, on peut cliquer. Voilà, partout, il est dispo, partout. D'ailleurs, il est même dispo au Canada, en Suisse, en Belgique. Donc à tous mes frelots belges, suisses, canadiens, ça. Et en plus, ce soir, tu es venu avec une surprise. Tu nous feras un titre inédit tout à l'heure, c'est ça, non? Ouais, un morceau, un petit live qui n'est pas dans Pac-Man, mais voilà. Un morceau inédit qui sera peut-être d'ailleurs sur. Fonctionnaire de la rue, non? Qu'est-ce non, que... même pas. Même pas, même pas. Une édition ou un truc que je ferai juste entre les deux, entre Pac-Man et fonctionnaire de la rue. Donc c'est cadeau. Cadeau. Tout à l'heure, à pas louper. On repart sur quel morceau, Lapso? Ben. Comme bientôt, il y a le clip Coca qui devrait sortir, je pense, la semaine prochaine. Donc je te propose Coca. Eh ben, allons-y. Yao. Extrait du projet qui est dans les bacs de monsieur Lapso Laps avec nous dans la nocturne. Lapso Laps, ouais. À tous mes frelots de Paname et de la banlieue, à tous mes frelots de France. Yeah. Coca. Yeah. Je détaille la tonne en mètres, les mètres en kilos. Je transforme le kilo en grammes, les grammes en euros. Coupez la coca, coupez la coca, coupez la dope, coupez la coca. J'ai coupé la coca, j'ai coupé la cana, j'ai coupé ma vie. J'en ai fait du keutra. J'ai coupé la vodka. J'ai coupé l'ananas. J'ai pimpé ma vie. J'ai coupé la coca. Coupé la moula. Cuisine la moula. Laisse-la sécher. Va vendre la moula. J'suis sur le corner. J'suis sur le corner. Au coin de ma rue. Je vends la coca. Coupé la coca. Coupez la coca, coupez la coca, coupez la coca, coupez la dope, coupez la dope, coupez la coca, coupez la dope. Je détaille la tonne en mètres, les mètres en kilos. Je transforme le kilo en grammes, les grammes en euros. Coupez la coca, coupez la coca, coupez la dope. Coupez la coca. J'ai goûté au fricto. J'ai goûté au fric sale. Ramenez la slata. Fumez la slata. Ça ne tient qu'à un gramme. Elle a donné sa chatte. Il a joué avec moi. C'est un échec et mat. Pécho ma coca. Pécho ma coca. Libérable, je récidive. J'ai prévenu mon avocat. Je les ai toujours sur les côtes, c'est hijo de puta. Enlevez-moi les menottes, je dois couper ma coca. Coupez la dope, coupez la coke. Frollo, je le fais si bien, capitaine Cook. J'suis sur le corner, j'suis sur le corner. Au coin de ma rue, je vends la coca. Coupez la coca, coupez la coca. Coupez la coca, coupez la coca, coupez la dope, coupez la dope, coupez la coca, coupez la dope. Je détaille la tonne en mètres, les mètres en kilos. Je transforme le kilo en grammes, les grammes en euros. Coupez la coca, coupez la coca, coupez la dope, coupez la coca. 100% rap. rap français. Planète rap. La nocturne. Yao, Pac-Man dans les bacs, mes frolos, mes frôles. Ganji. Tchou. J'avais la patience à Gandhi, j'ai plus la patience à Gandhi. J'avais la patience à Gandhi, j'ai plus la patience à Gandhi. J'avais la patience à Gandhi. Lapso, lapso, lapso, binga, binga, binga. Bimbo, bimbo, bimbo, elles sont toutes avec moi. On prend ce que l'on nous doit, on vous laisse les restes. Les contours de la pizza, les ondulés blés. Carré à l'intérieur, rond à l'extérieur. C'est sur moi qu'on a parié, allez trouver l'erreur. La première des règles, c'est de ne pas suivre les règles. Follow. La première de ma quadrille, c'est d'avoir suivi les règles. Follow. Bison sur mon body, crinière chinchilla. Couronne sur ma tendance, sneakers crocodile. Styliste visibiso, sponsor la NASA. Défilé de mode sur la lune, freux, collection Pela. On sait qui on veut, fous-moi ma coque à la presse. Fais-moi de la poudre à canon, au bord de la falaise. Tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas nous dire non. C'est moi qui te le dis, derrière chaque assine se cache un fils des putes. Un trou de balle ça fait de la merde, une salope ça fait la pute. Tu veux quoi, on te ramène ce que tu veux. Parlons peu, parlons bien, parlons salade mon frelot. On est imbattable sur les prix, personne ne pourra faire mon garantie mon frelot. On est partout sur le globe, on va chercher les tunnels où elles sont mon frelot. Ma tête est malade, parle à mon flag, il me fait les trois quarts du boulot. La météo change, nous place des punchs, on n'a pas besoin de ta promo. J'ai rêvé ma vie, je la vis comme un rêve, parti d'en bas, j'ai fini en haut. Et la PS, et la pétanque, tous les chemins te mènent à l'absent. Du crack à la coke, du shit à la beurre, on en parle à Coquilla. Tu me mêles des mensonges, des idées, non pas de fille, de blabla, le blabla, des mythomanes. J'fais la danne bike, j'fais la danne gratuite, la vérité en 3D, man. Yo, je les veux, je les veux en euro, man. Yo, je les veux, je les veux en million. My name is Burr, my name is Burr. My name is Aka. My name is, j'ai pas de cœur, David Jones. My name is Burr, my name is Dora. J'avais la patience à Gandhi, j'ai plus la patience à Gandhi. J'ai respecté tout ce qu'on s'est dit, tu n'as pas respecté tout ce qu'on s'est dit. Tu viens de réveiller ma folie, n'en fallait pas réveiller ma folie. Parle à ma Tomigaine, n'a bien surtout pas parlé avec lui. Frollo dans le son, à glace, on a 5 chiffres. Y'a 5 chiffres, frère. Frollo la go que je drive en fait 6. Ouais, FDLR 6, ça en vaut 7. Ça en vaut 7, frère. On s'arrêtera pas tant qu'il y en a pas 9. Frollo dans le son, à glace, on a 5 chiffres. Y'a 5 chiffres, frère. Frollo la go que je drive en fait 6. Ouais, FDLR 6, ça en vaut 7. On s'arrêtera pas tant qu'il y en a pas 9. My name is Burns. My name is Pula. My name is. My name is Aka. My name is, j'ai pas de cœur, David Jones. My name is Beer. My name is Dollar. Lapso avec nous, monsieur Lapso Laps, dans la nocturne 100% rap français, le projet dans les bacs depuis aujourd'hui, depuis hier, enfin on peut le trouver. Allez, yao, yao, yao, ça tue Fred, franchement ça fait plaisir. Il s'appelle Pac-Man et le morceau qu'on écoutait à l'instant, Gandhi. Yeah. Production Core, on peut saluer Core aussi, hein, parce qu'il fait partie des gens qui t'ont entouré aussi. Ouais, celui-là, il a été produit par Gandhi, c'est par Chapo et oui, pardon, Iceberg. C'était le morceau auparavant, hein, je crois. Coca, il a été, Coca, ouais. Il a été fait par Explosive Beat et, ouais, et les arrangements, la réal Core. Donc une sacrée équipe. Voilà, là, voilà, Explosive, gros gars, grand respect à lui. Et bah Core, voilà, tout ce qu'il touche, tout, il transforme la pierre en or. C'est un alchimiste. Et bah le Pac-Man d'or pour toi en tout cas, Lapso, c'est ce qu'on te souhaite. Merci Fred. Évidemment, bien. Avec ce projet qui est dans les bacs, je le disais. On va repartir pour une nouvelle session, après il y aura du live. Mais il est déjà en or le Pac-Man, regarde le sur Pac-Man, la jaquette. Je sais, j'ai vu. En or et en diamant, il est pas en chair et en os. Il est super ambitieux celui-ci, or, diamant, direct. Direct, c'est tiré d'une vraie bague. C'est... Elle n'est pas de ma collection, tu vois. Mais voilà, c'est d'une proche à moi. Et voilà, donc c'est pareil. Donc j'ai utilisé ça pour rendre cette jaquette unique. Et voilà. Et bah, allez la voir, la jaquette, ou allez mater un petit peu les images si vous la téléchargez légalement, je précise. La tape de Lapsolaps. On repart sur quel morceau, monsieur Lapso? Bon, on va partir sur du cool là, non, Fred? Comme tu veux, comme tu veux. Moi, je te dis. Un petit peu de détente, ouais, ça va faire du bien, ouais. Voilà, en plus, c'est un morceau que je vais clipper bientôt aussi. Donc, allez, je te dirai Tello. Tello. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il est bien demandé, ce morceau, en tout cas. Ouais, en fait, je reçois sur les réseaux, Twitter, Facebook, un peu partout, beaucoup de messages concernant ce morceau. Ben, il a plu et je suis content parce que j'appréhendais en l'ayant fait, tu vois. Et il a vraiment plu, donc ça touche, ça tue. Eh bien, allons faire un tour dans le Tello. Aïe. Je rigole. Je sais comment faire, j'ai la soluce, 9000 parabellum. Elle s'est fait refaire les lolos, elle s'est fait refaire le boule. Je me suis refait en kilos de poudre. Je suis au quartier d'où je suis, je prends le contrôle de ma city. Elles se sont passées le mot, elles se sont passées mon profil. Elles veulent un rencard avec l'abs, avec la money. J'ai rendez-vous avec elle, avec sa poussy. Je fais ce qu'il faut, mais c'est pas assez, je trouve ça rigolo. En cache, le sourire aux lèvres, café joint par Rigo. Elle sait qu'il faut pas me casser les couilles, je suis pas celui qui achète les roses. Dans son sac à main, y'a mon calibre, elle connaît bien son rôle. Elle sait comment faire. J'ai confiance en elle. Même si je réponds pas, non. Je l'embarque, on va au Tello. C'est elle qui gère, je suis défoncé, elle pilote l'auto. Elle me mord, elle me grippe le dos. Elle roule mes ouinges pendant que je compte mes euros. Après la boîte, je l'embarque, on va au Tello. C'est elle qui gère, je suis défoncé, elle pilote l'auto. Elle me mord. Réserve à son nom l'hôtel. Elle sait ce que je fais la journée. Elle m'attend en forme chartel. Elle m'accueille avec du champagne. Le rouge des lèvres comme la semelle de ses talons. La manicure, c'est du perfecto. Je suis son loco, c'est ma loca. Je l'appelle direct quand je change de numéro. Elle est comme moi, elle aime pas la police. Elle est comme moi, elle en fait des dineros. Elle donne jamais son 06. Elle garde des sacs sans jamais poser de pression. C'est ma meilleure, c'est ma complice. Je la caresse, je lui durcis le téton. J'ai le permis. Double zéro. Elle a le permis. Pour conduire l'abso. Yeah. Elle a de quoi se vanter, c'est la première dame du ghetto. Yeah. Elle est servie. Pistolero. Elle sait comment faire. J'ai confiance en elle. Même si je réponds pas. Je l'embarque, on va au Tello. C'est elle qui gère, je suis défoncé, elle pilote l'auto. Elle me mord, elle me grippe le dos. Elle roule mes ouinges pendant que je compte mes euros. Après la boîte, je l'embarque, on va au Tello. C'est elle qui gère, je suis défoncé, elle pilote l'auto. Elle me mord, elle me grippe le dos. Elle roule mes ouinges pendant que je compte mes euros. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Yo. Lapsolaps. Pataya, frolo. Yo. Yo. FDLRC, frère. Remix. How I go. je lui tire dessus gratuitement. Je le fais pour mon frelo. Je lui achète la même montre que moi, parce que c'est mon frelo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Il a raté aucun par lui sur quatre filles. Je le kiffe, c'est mon frelo. Yo, la meme. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. J'ai tout niqué, j'ai plus d'oseille. Mes frôles, je veux refaire la guerre, les monter jusqu'au ciel. On fait la pub pour les frôles, tu seras toujours bien viscère. Ils sont bien sapés, incrustés même dans le désert. Fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire, fonctionnaire, actionnaire, actionnaire. Avec les frelons, on sait le faire. Je suis comme le frelon laps, on donne que des carrés d'as. Yo. Pas comme tes copains qui vont s'allumer pour une tasse. Je tire dessus gratuitement. Bunks, je le fais pour mon frelon. Pour mon frelon, pour mon frelon. Je lui achète la même montre que moi. Que moi. Parce que c'est mon frelon. Il conduit toutes mes voitures. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Il a raté aucun par lui sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frelo. Avec ça, on est en I. On est en I. Ils sont en ITT. Mon frelo, frelo, où t'étais? Quand j'étais en Hess, quand j'étais à pied. Yo. Quand y'avait pas le fer, l'île de Giuseppe. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. L'Ab c'est Laurent Blanc, la rue c'est le PSG. Grosse équipe, faudra plusieurs bolides. Dis à tes copines qu'est-ce qui vaut tes lots. Yo. On y est, on y est, on y est, on y est. Mon frelo, mes frères, on y est. On y est, on y est, on y est, on y est. Mon frelo, mes frères, on y est. Ya, prends le cœur dans mon Johnny Hallyday. J'sors de tôle, j'vends de la drogue, j'suis refait. Yeah. J'ai perdu du temps, mon frelo, j'ai rattrapé. Yeah. Mon frelo, mon frelo, on y est. Mon frelo, mon frelo, mon frelo, mon frelo, mon frelo, mon frelo, mon frelo, mon frelo, mon frelo, mon frère, mon frère, mon frelo, mon frelo. Yo, le DJ, j'm'en tape. Elle s'assoit sur ma bite aussi sur celle de mon frelo. Ma fuck, on te nique. Normal, j'ai rodé toute la nuit dans la ville avec des tasses dans ma gueule. C'est mon frelo, frelo, frelo, frelo, frelo. T'as voulu me serrer la main, je l'ai gardé dans ma poche. Fais la bise à mes frelo, frelo, frelo, frelo, frelo. Ton corps dans un coffre, le chauffeur et mon frel, et mon frel. Dab, bataille, bataille. Ouais, mon frel, on tire, tire, les gars gaillards. Parce qu'on est pas costaud et qu'on prend pas la wife. Frel, sans jamais assez riche, moi et mes frel, on a la dalle. Miaou, je vais chercher l'argent là où il est, la vie à l'absence. Je vais chercher l'argent là où il est, la vie à l'absence. Vite mon gueule que tu finis dans le cendrier. Yeah. FDLR6 sur ma lot, t'as pas idée. Sur ma vie, un million de fois que vous allez me le payer. Yeah. En millions d'euros que vous allez me le payer. Mon frelo, montre-leur comment on fait. Yeah. La méthode à l'abs, allez, je veux vers Costarvel. Et balle dans ta tête pour mes frangos, balle dans ta tête pour mes frangingo. John Doe, incognito, shoot bang, headshot. J'avais un doute, là j'en ai plus. Un 45 à moitié date et j'ai la réponse du rébut. Goûte à ma lollipop, à ma hookah. Yeah. Vas-y, fume mal et fume sur ma hookah. L'abs au fucking labs, c'est de la bomba. Allez, fume sur ma slap. Je tire dessus gratuitement. Frère, je le fais pour mon frelo. Je lui achète la même montre que moi. Que moi. Parce que c'est mon frelo. Il conduit toutes mes voitures. Mon frelo, mon frelo. Il a raté aucun par lui sur 4 piges. Je le kiffe, c'est mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frelo. Mon frelo, mon frère. Mon frère, mon frère. FDLRC mon frère, Laps au Laps, Pac-Man dans les bacs. Dédicace à Vince V, mon frelo mon frel, Darsoun, Kader, on est là mon gars. Yao. Si à bout mon frel, t'inquiète pas, ça bouge pas frelo. Paquet mon frelo, bientôt ça sort, bientôt, bientôt. Yao. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Dédicace à mon frel Sadek, qui a sorti son projet le 8 juillet. Une semaine avant, boss, on est ensemble mon frère. Yao. Chill. Attends, sortez, je l'aime mon frère. On a les gens pour des choses à faire. Des choses à faire. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils racontent. Non. Que je m'en bats les couilles de ce qu'ils racontent. Non. À leur santé, je l'aime mon frère. À leur santé. J'm'en bats les couilles de ce qu'ils racontent. Non, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils racontent. À leur santé, j'lève mon verre. À nos joies, à nos peines, à la santé de tous ceux qui sont enchaînés. Oui, j'ai une grande gueule, mais j'ai trop saigné pour vous renseigner. Moi qui voulais chanter comme un rossignol, j'ai l'impression qu'à la haine, je suis résigné. Pas d'étincelle d'amour sur nos gazinières, chez nous il fait froid et les gens s'immolent. Et on reste à l'affût, même sous votre capure. J'suis passé devant toi, mais quand j'ai regardé derrière, t'avais un god ceinture. J'm'en mets plein les poches, j'aime sortir Bélias quand je recroise mes profs. Allez, fuck les cops, j'en ai rien à péter, j'vais péter la salle des coffres. Santé, je l'aime en fait. Je l'aime en fait. On a les gens à avoir des choses à faire. Des choses à faire. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils racontent. Non. Que je m'en bats les couilles de ce qu'ils racontent. Non. À leur santé, je l'aime en fait. À leur santé. Pour les vrais hommes, je lève mon verre. Pour les salopes, je sors mon gun. Si je veux quelque chose, je sors mon zé. L'absolaps. Ce que je prends, ça me revient de droit. Je rentre chez moi la tête haute. Les yeux rouges, les poches remplies de talama. Du milieu, je suis au milieu, frère. Je suis bien connu dans le cirque. Je touche ma quête flush à la river. Tu mets ton tapis, moi je rigole. L'absolaps. Je me suis fait la main sur des cibles vivantes. Y'a un alien dans le casino. Je file au voiturier les clés de ma soucoupe volante. Ah, ah mon frollo, je lève mon verre. Ah mes frollos, je lève mon verre. Sur ta tombe, je renverse mon verre. Sur ta tombe, je renverse mon verre. Non, que je m'en bats les couilles de ce qu'ils racontent. À leur santé, je lève mon verre. À leur santé. À leur santé. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils racontent. Non, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils racontent. À leur santé, je lève mon verre. Bien sûr, à leur santé, je lève mon verre. Yao. Et c'est sur, la, sur leur tombe que je vais la renverser. FDLR, c'est Freul, l'Absolaps. Il y a un Pac-Man déjà dans les bacs. Freul. Tu L'Absolaps au contrôle de la nocturne. Yo Fred. 100% rap français. En effet, ce morceau, on te retrouve aux côtés de Sadek. Ouais. C'est dans la semaine Planète Rap d'ailleurs de Sadek entre 20 et 21. Et oh, Sadek, c'est aussi dans les bacs, tout comme toi. Ouais, pareil, ça tue. Comme l'année dernière, hein, Ghost Tape, Johnny, on était juste à côté. Et ben voilà, ça continue, l'aventure continue. Ça tue, ça tue. Bon, avant de se quitter, l'Abso, pour ce soir, petit live inédit. Ouais, un petit morceau que j'ai fait comme ça, tu vois. Je l'avais dans le truc, on, tac, il est là. Bon, on va repasser par-dessus en puissance. Tu vois. Donc ça, c'est un morceau que vous trouverez nulle part pour l'instant. Pour l'instant, il est vraiment nulle part. C'est une prod de DF85. Le gars qui a fait mon frollo d'ailleurs. Et voilà, et qui me fait d'ailleurs beaucoup de prod. Là, il en a pas dans Pac-Man, mais dédicace à lui. Et on continue à bosser. J'ai des prods sur lesquels j'ai bossé à lui là. Donc c'est des nouveaux tracks, des trucs qui devraient pas tarder à sortir. Et ça, c'est un morceau qui a déjà un titre ou pas, l'Abso? Tu lui as donné un titre ou pas encore? Ouais, nous on l'appelle clap, clap, clap, clap, clap. Clap, clap, clap, clap, clap. Okay. C'est comme cap. Ouais. Pac-Man, tu vois. C'est ça, clac, clac, clac, clac, clac. Voilà. Donc c'est ça en fait. Et bon, on y va maintenant. En live, l'Abso. Yao. MDLR, si, Freul. Y'a un alien dans le vaisseau. Oh. Y'a Pac-Man. Hey, dédicace à Vin, je vais mon frollo, mon frôle, Kader, Darsoun, on est là frollo, t'inquiète pas. Yao. Je me frotte les paluches, je m'en bats la calotte. Je te tire dans la caboche, je me nettoie les guibolles. L'âme c'est dans la city, écoute pas cher le kill. Elle a un gros tarpé, elle est dans ma bagnole. Pac-Man ça arrive, qui vivra verra. Tout le monde a besoin de moi parce que ça bédave. L'Abso, l'Abso, gosse, gosse, jump, jump, criss, cross. Celui qui est pas capable qui s'arrache de là. Mes frolos c'est l'Abso, l'Abso, Tommy Gun, Stalin Crack, Paris Ville, 19ème. J'y suis, dans tous les jazz. de la crête, la chambre à air dans les bagages. Frollo, frollo, je les clap, clap, clap, clap, clap. Je les clap, clap, clap, clap, clap. Yeah, clap, clap, clap, clap, clap. Pac-Man, clap, clap, clap, clap, clap. J'ai ce qu'il faut, cabroncito. Du secteur c'est la plus, j'ai charme à mamacita. Tu pourras jamais mettre les pieds là où je vais. T'as bien trop peur que ça dérape, qu'à la finale on te la mette. Tu veux parler de quoi à part de fric? Frollo, je refais le monde avec des insultes. Mon professeur de maths n'était pas prêt. Je suis certifié dealer depuis la nénette. Elle est bonne, c'est la meilleure. Je la fume, je la vends avec plaisir. La loi est faite pour que l'absolap la viole. Elle m'a dit je t'aime, j'ai répondu par un lol. Je suis né sous le signe du craquet. Craquet. Je connais pas son nom, pourtant je l'ai ken. Dans le vaisseau y'a qui? Un alien. Je relève n'importe quelle sévie, le sourire relève. Mais Frollo c'est l'absolap. Tommy Gunn, Stalingrad, Paris-Ville, 19ème. J'y suis dans tous les dièses. De la crête, la chambre à air dans les bagages. Frollo, Frollo, je les clap, clap, clap, clap, clap. Je les clap, clap, clap, clap, clap. Yo, clap, clap, clap, clap, clap. Pac-Man, clap, clap, clap, clap, clap. L'absolap, scroll. Pac-Man dans les bacs, mon Frollo. On les clap, clap, clap, clap, clap. Hein, Fred? Yo, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Comment? Yo. Ok. Ça tue, bête de nocturne, mon Frollo. Yo. FDLRC, mon Freul. Dédicace à Vince V, à Kader Darsoun, à Paquet, à Siabou. On est tous là. Comment? Clap, clap, clap, clap, clap. Clap, clap, clap, clap, clap. Clap, clap, clap, clap, clap. Ok. Pac-Man. Je l'ai. Clap, clap, clap, clap, clap. Yo. L'Apso était avec nous dans ce début de nocturne. Merci à toi. Merci Fred. Et merci à toi pour ce live exclusif, le clap, clap, clap, clap, clap. À l'instant. C'est le langage du Pac-Man en fait. Et bon, on va rappeler que Pac-Man est donc dans les bacs. Vous pouvez retrouver cette tape de l'Apsolaps un peu partout. On peut même la commander tout de suite, hein, aller la télécharger légalement. L'Apsolaps avec Pac-Man. Petit message à passer, petite dédicace. Vas-y, l'Apso, on t'écoute. Bah, les dédicaces déjà, bah, y a mes frelots avec moi, toi. Mm-hmm. Et les Zach, le petit frelot de chez moi. Aïe, aïe, aïe. Yao. 19ème. Ça tue. Je dédicace Bacor, t'as vu, pour tout le boulot qu'on a fait, tous les gens qui ont bossé sur Pac-Man, t'as vu, il y a les compositeurs Chapo, Iceberg, Pyroman, il y a Cerc, il y a Jamie Black, il y a Belek, il y a Explosif, il y a Cor à la Réal, aux arrangements et à tout ça là, il y a à toute la FDLRC, tu vois, à toute la team Def Jam. Tous comme ils sont, c'est des bombes. À Greg, à Binge. Greg, c'est le frangin. Ça, bah ouais, c'est le Frollo. C'est le Frollo. À toute la team. Et non, ça tue. À DF Prod aussi. DF 85 qui bosse tout le temps avec moi, qui est là. Et à tous ceux qui me veulent du bien, tu vois. À tous mes Frollo au placard aussi, parce que là, on n'est pas tous au complet. Donc à Vince V, tu vois, à Kader Darsoun. À Siabou, à Paquet, à tout le reste, à tous ceux qui on va saluer la crime aussi, on leur passe une dédicace de la force. La meumeu, bientôt, Inch'Allah dehors. Grande dédicace à lui, Free la crime. J'espère qu'il va sortir vite là, ça devrait pas tarder. Donc voilà, tu vois, dédicace à Sadek, à SCH, Belek, à toute la team Awa. Et le Awa Gang, à tous les Frollos, quoi, tu vois. Et bah, merci. Des Frollos Stud aussi, tu vois. Tu vois, Nabil qui a fait les prises de voix, Guillaume, Valère, Vincent aussi qui tue. C'est bien, t'oublies personne en tout cas. Ouais, Amaury qui a mixé. Il y a Fifou à la jaquette. Il y a Edinson au shooting de la jaquette. Il y a Maclouf au clip Vodka Pineapple qui a été lourd. Donc ouais, il y a du monde, tu vois. Là, il y a dédicace à Twin Hicham qui a tourné le clip Coca aussi. Voilà, la GP Team, Ghetto Phénomène, c'est des Frollos. Et ainsi de suite. T'as vu, j'ai dû oublier du monde, mais. Bah, tu te rattraperas la prochaine fois. Ouais, tranquille, Fred. Merci à toi, en tout cas, l'Apso. Dédicace à toi, en dernier. Et toujours un grand plaisir de te croiser. Ouais, ça tue cette année, on en a fait, hein, des trucs. Et bah, j'espère que ça va continuer, surtout. Bah ouais. On attend donc Fonctionnaire la rue, et puis en attendant, allez vous précipiter sur Pac-Man qui est dans les bacs depuis aujourd'hui, depuis hier, enfin, depuis maintenant. Yao. Merci, Fred. Merci, l'Apso. Yao. Ciao. La nocturne qui continue maintenant. Planète Rap. 100% Explicit Lyrics.

La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. J'arrive en baloué, masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit, on agit en famille comme les refrains Baldwin. J'arrive en baloué, masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit, on agit en famille comme les refrains Baldwin. On est sapé en Ralph Simmons, Alexander McQueen. Ils sont sapés en Barésie, oh, ils sont sapés en Drag Queen. J'm'en bats les couilles de la radio, j'suis là pour la maille, oui. Sa vie c'est rêve à les clients, tout ça pour la maille, oui. J'arrive en balle, bitch. Pas besoin de maxi ou du rafale, bitch. En riche comme Omar Sy, d'après ce que l'on m'a dit. J'arrive en balle, nigga. Mes refs veulent que je sépère. Mes refs veulent que je les crève. J'te parle de toutes ces démerdes. J'suis pas de ce monde, de cette terre, nigga. T'es en compète, vas-y, lève. Nel, dynamo du Kiev. Tu sais comment ça se dit, crève. Tu sais comment ça se gère. Tu sais combien ça se détaille. Combien ça se fait cher? 9 de haute scène. Tout le temps, tout se paye. On est al, nigga. On te laisse en pause fétale, nigga. Si on démarre, nigga, ce sera sans faux départ, nigga. Ils veulent tous la glisser comme l'Elysée. Mais on la dégaine de la risée. Taille le lycée. J'suis venu pour pisser, pas pour tisser. Des liens grattés à l'amitié, des carrières brisées. J'arrive en baloué. Masqué comme Halloween, ton flow s'épanouit. Ma carrière s'épanouit. On agit en famille comme les refrains Baldwin. J'arrive en baloué. Masqué comme Halloween, ton flow s'épanouit. Ma carrière s'épanouit. On agit en famille comme les refrains Baldwin. Je suis en trahisse. Quitte à faire preuve de malice. Dans ce pays des merveilles de merde, la nouvelle Alice et Miley Cyrus. J'suis posé avec mon ange au calme. Et si ferme dans des anus. Attitude sanguine, froide et glaciale. Frigidaire comme Vendetta russe. Ils veulent que je leur plaise, man nigga. Que j'adhère à leur thèse. Mais moi je les baise, man nigga. Ils veulent que je me taise, man nigga. Mais j'suis chaud comme la brèche. J'ai déjà dit, je les baise, man nigga. Touche, viens plus rien n'est touchant. Sauf les mères, les flex et les louchants. Premier one, j'étais chez j'avais 12 ans. C'est la merde, mais y'a pas les couchages. J'me suis juré d'arrêter la brosse. Mes frérots sous leur face. Je sens et j't'arrive de la passe. Minimum pour qu'on se déplace. J'veux être millionnaire, man nigga. En coupure de billets verts, man nigga. Sors nulle part quand les autres font du boucan. Sur ma chaise, des bits secs, man nigga. J'arrive en balle, oui. J'm'en bats les freins, oui. Que t'es ta fake, celui-là ou lui. Ou t'es clashé, celui-là ou lui. Parlons de là où j'suis. Parlons de là où j'vis. J'arrive en baloué, j'agis quand les chats sont grus. J'arrive en baloué, masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit, on agit en famille comme les refrains baloué. J'arrive en baloué, masqué comme Halloween, ton flow s'évanouit. Ma carrière s'épanouit, on agit en famille comme les refrains baloué. Rap français, planète rap. La nocturne. C'est doré de platine, écoute mon son, je t'emmène. Sur Beta Zix, je rentre en boîte, je t'emmène. J'te un boucan, excuse le sang, j'suis trop bucol. Bouge ton boule là, j'veux pas rigoler. où j't'ai hanché dans ce col. J't'ai chauffé, j't'ai en boucane. Excuse le sang, j'ai trop bucolé. Je vais pas te courir derrière. J'en garde ta tête et ça ton derrière. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer, là, ton grand-père. Si un jour j'la crois, j'vais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, j'fais plus de sport à part quand ça crie à ra. Allez, le sang, allez, on y. Allez, le sang, allez, on y. Rap français. Avec le nouveau son de Canardo maintenant. Fais pas le fou. Trois ans d'absence, je débarque avec plus de force, ouais. Pour les petits PD qui pensaient que j'étais mort, ouais. J'ai pris du recul sur ma musique et sur ma vie, vite. C'est pour ça que ce couplet, je vais le quitter vite, vite. J'ai pris tout mon temps car j'aime pas raconter de la thème. Donner de la sueur à des petits copies de rhum. On fait les choses bien, plus pressé de prendre leur train. J'ai goûté au succès, voilà, car rien de bien. J'aime bien la tendance, mais je n'aime pas trop la faire. Je préfère rester dans ma galère et dans ma putain de sphère. Qui m'aime me suivre, les autres, je les esquive. Sache que petit enfant, soldat n'a jamais lu de livre. J'ouvre des portes, même celles fermées à clé. S'il y a pas de bac, ne crois pas que c'est bâclé. Millimétré, ils sont pas prêts pour la rafale du deuxième couplet. J'arrive trop chaud, je les emmerde. Je les emmerde, poitou. J'ai détaillé pour payer le loyer. Garde ton discours, fils de. Dis-moi, t'étais où quand c'était la merde. Plus rien à perdre, en fond de réserve, t'as tout de suite. Fais pas le fou. Non, fais pas le fou. J't'arrête tout de suite, fais pas le fou. On va te mettre sur messagerie, j'ris pas. Plus énervé que jamais j'arrive pour faire des tueries. Je voulais baiser le rap, j'ai débandé, ça sentait le curry. Je fais que d'avancer, Fatal Fury. 3 points switch, Stephen Curry. Rari gros c'est curry. Quand ça monte sur Paris. Plus rien à prouver, tu cherches le meilleur des rappeurs, tu n'as qu'à demander à Siri. Que des rimes en I comme en Suzuki. Tu l'appelles ta hell, regarde Suski. Grosse taille de whisky, que des flips de deux wish. Fais quelques milli dans ce rap et je me fais ski. Dans ce rap et je me fais ski. Dis-moi ils veulent t'esqui. J'ai vu ce qu'est la famille, les risques c'est que pour la famille. J'arrive trop chaud, je les emmerde. Je les emmerde, poitou. J'ai détaillé pour payer le loyer. Garde ton discours, fils de. Dis-moi, t'étais où quand c'était la merde. Plus rien à perdre, en fond de réserve, t'as tout de suite. Fais pas le fou. Non, fais pas le fou. J't'arrête tout de suite, fais pas le fou. On va te mettre sur messagerie, j'ris pas. J'essaye m'occuper de ma famille, malgré le nombre pesant d'ennemis, J'essaye m'occuper de ma famille, malgré le nombre pesant d'ennemis. J'arrive trop chaud, je les emmerde. Je les emmerde, poitou. J'ai détaillé pour payer le loyer. Garde ton discours, fils de. Dis-moi, t'étais où quand c'était la merde. Plus rien à perdre, en fond de réserve, t'as tout de suite. Fais pas le fou. Non, fais pas le fou. J't'arrête tout de suite, fais pas le fou. On va te mettre sur messagerie, j'ris pas. Ouais. Dans la chatte, la chatte, à la chatte, à vos chattes. Nardo, N.I.L. Music. Ouais. Gronkstar, c'est comment? Ouais. Hey, girl. 100% rap français, planète. La nocturne. Yeah.

Je vois le ciel, je vois les hommes, je vois tous les grands signes de la création. Ça sera bien nous contre l'oligarchie, guerre mondiale sonnera la fin de la récréation. La musique avance mais je veux aller plus vite. Mortel MC, le Death Note et mon pupitre. Je suis pas riche mais je me vois déjà cupide. La folie de mon génie peut me rendre stupide. Me rendre stupide ou légendaire. Peu importe, on sait que le temps est assassin. On est ce qu'on fait, j'ai diamanté mon vécu. L'impression de faire briller mon côté malsain. L'adolescence brûlée par les deux poux. En mal, les étoiles ont parlé de nous. Marianne me tend les bras comme la Vénus de Milo ou de Pouce. Passé une vingtaine d'automnes, j'écris ma vie sur des feuilles mortes. Mes chimères sont dans le couloir de la mort. J'ai clenché l'enfer derrière la porte. Les anges et démons nous escortent. Mais ma foi n'a rien d'athlétique. Pourtant je rêve d'altitude. Je cours comme un cul-chat après l'attitude prophétique. J'en verse des larmes de joie pathétique. Enfonce-moi des piques à glace dans les yeux. Si tu veux sonder mon âme. On m'a dit que le savoir est une arme. Je crois quand même que j'aurais pas dû balancer mon arme. Je sais plus trop ce que je voulais vous dire. Ainsi que les plus grandes douleurs restent muettes. Je suis le haut-parleur des cœurs assassinés. C'est sûrement parce que j'aurais voulu être vu sur la merde. La vie est dure, je l'ai lu et relu sur les mains de mon père. Tous les chemins de la dignité mènent au paradis. Je comptais passer sous les pieds de ma mère. L'index levé, les vrais le savent. Mais mon seum a tellement d'origine. Mangeur de pierre, on a tellement bouffé de bitume que personne peut venir nous mettre au régime. Et je les vois se gaver de caviar, de chair humaine, de ses horizons brûlés. J'ai la couleur du pétrole, mais ma vie faut plus que la fortune de ses hommes. Pour être honnête, on se souhaitera le bien qu'on l'aura trouvé. Ce coup, si tu danses à leur écoute, c'est l'air de la lame entre violence et souffrance. On a appris à groover. Est-ce qu'un jour on trouvera la paix? Est-ce qu'un jour je trouverai la paix? Fausse alarmé, je crois que je vais m'armer. Mensonges et matériels nous ont charmés. Sans jouer avec le feu, je suis déjà cramé. On va lutter puisqu'on est condamné. Est-ce qu'un jour je trouverai la paix? Explicit lyrics. Milliers d'euros. Yeah. Il y a 7 jours dans la semaine. Cette couleur tu peux rendre de billets. Si c'est un signe, qu'il en soit ainsi. Je te récupère l'or qu'ils ont pillé. Hey. Ouais, soirée foi. Si j'enlève la puce, tu me remets. C'est le jour de la dernière fois. Équipe les chavaux comme jamais. Les Yankees me kiffent, c'est ce qu'il leur faut. Criminel swag, killer flow. J'calcule pas ce que les suceurs font. J'leur pisse au cul, j'leur suis sur le front. J'suis hors game dans le fond. Ils savent bien que j'suis plus sale que rap et neige plus, j'suis sur plusieurs fronts. J'ai plusieurs joints, mais qu'une seule queue. Regarde-moi, j'suis tout de balle, main vêtue. Pas le même génie, pas le même flow, et pas le même vécu. Tu me prie d'un feat avec mon négro Taga Taga. Si l'album flop, il me reste toujours la vente de Taga Taga. When you go around, slow it down, slow it down, slow it down. When mine going round, round. It's so colorful like a clown. That pussy's so wet, I just floated. Them colorful bands, I'ma throw it. I came up with you if you told it. I came up with you if you wrote it. I'm thugger, get money in my post. My bitch clip her ass in slow motion. That come on, that bitch look like lotion. I had on some ice and she knows it. Jelly bean, money, same colors as jelly bean. I pop them jelly beans, I fall like jelly beans. Fuck is you telling me, bitch, I got 7 wings. I pop a Molly Red Bull, now she smelling me. Fuck is you sweating me, I got on bombings, they tight with 11 D's. Lace up my Jordan. Shut the fuck up, little bitch, you just talking too much, it's irrelevant. My pocket's not with Taco Bell. I got no more bands on me, crazy.

simple parce qu'il y a toute une jeunesse qui te suit, mon frère. À l'ombre du show business, le soleil peut se lever. Et à l'ombre du show business, on y croise aussi, et malheureusement, beaucoup de démagogie. Salut Kerry. C'est fini pour la nocturne 100% rap français ce soir. Prochaine nocturne et dernière nocturne, ce sera la semaine prochaine avant les vacances. La semaine prochaine aussi, dernier Planète Rap de la saison avec Damso qui débarque et son album Batterie Faible tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. Passez une bonne nuit. Rap R&B en non-stop, c'est parti. Dipoliti, Dipolito au contrôle. C'est parti pour le mix. Ciao. Skyrock Radio Station. Rap, rap, rap and R&B. Non-stop. Skyrock.